Allez, c'est parti en ce triste vendredi soir pour une nouvelle émission de Bonnet Rouge. On est ensemble jusqu'à 23h. Stay rebel, stay free, let's stand up. Always stay. l'on vient de s'écouter Los Fastidios avec le morceau 3 tones issu de leur album Rebels and Revels. Et on va continuer tout de suite avec Fergusons et le morceau Resaca issu de leur album intitulé également du même nom que le groupe, donc Fergusons, qui était sorti cette année. Et ça sera suivi d'un autre morceau issu d'un album sorti cette année tout aussi intéressant, celui des Resaca Sonara intitulé Buenaventura, dont on s'écoutera le chemin. Le morceau, pardon, Suit ton chemin, vous voyez le petit lapsus qui anticipait le titre du morceau qu'on allait écouter, et ce sera enchaîné avec la réalité de Los Tres Puntos. Voici le prochain bloc qui débute maintenant. Ikusi behar dut nere aurpegia, ikusi behar dut nere mina. Nire goiz arratxalea da, lautan telefonoa belarian, hitzordua deia daukat, bote parke biharko kuraia buruan, biharko kuraia buruan. Sektan gelditu gera, bote parke biharko kuraia buruan, ikus dezagun lagunen aurpegia, ikus dezagun. que les autres t'ont rendu fou, que la vie t'a mis à genoux. C'est la réalité des Los Tres Puntos, un morceau issu de leur album Contre Vents et Marées, aussi sorti cette année comme l'ensemble finalement des morceaux du bloc. Juste avant, on avait Resaca Sonora qui nous interprétait Suis ton chemin et Ferguson qui nous jouait Resaca. On va continuer avec un court bloc composé d'un morceau de Rudy Calla issu de l'album Le Taureau et intitulé Le Taureau, et ce sera suivi de Rengaine des Fidel Fiasco sur leur album également sorti cette année Banal et pas éthique. Ramasser la poussière, vider mes tiroirs. J'ai encore de la misère, tout seul à soir dans le miroir. C'est vrai qu'on fait sa chance, tu travailles pas, tu chantes. Des rêves en boucan, à des années-lumière. Y'a même une coupe de panne qui m'écoute dans leur char. Il faut pas trop que j'y pense, la petite vie, petite misère. J'suis une autre mélodie, juste un autre petit sourire. La mort peut bien courir, moi j'me ferais juste applaudir. Un taureau par les cornes, pour mieux garder la forme. C'est à mourir de rire, mais j'avais juste rien à dire. J'avais juste rien à dire. J'avais juste rien à dire. J'avais juste rien à dire. Les trophées poussiéreux, les journaux déchirés. T'es pas un peu trop vieux, moi je t'avais oublié. T'as dû te faire une fortune, non mais j'étais ben heureux. Le plaisir retrouvé, du monde qui veulent juste jouer. Éclairer vos soirées pour allumer vos étés. yeux qui disent merci. Je peux partir d'ici. J'suis une autre mélodie, juste un autre petit sourire. La mort peut bien courir, moi j'me ferais juste applaudir. J'prends d'or au par les cornes, pour mieux garder la forme. Ça mourir de rire, mais j'avais juste rien à dire. J'avais juste rien à dire. J'avais juste rien à dire. J'avais juste rien à dire. J'arrive pas à m'endormir. J'suis dans marde, pis j'peux pas m'en sortir. J'me lève, pis j'fais du cravener. J'écoute les conneries qui me disent à TV. Oh non, c'est grand. Ça m'aide vraiment pas à me motiver. La journée commence pas pire. J'ai trouvé une idée qui va me faire plaisir. J'vais me partir un petit band. J'sais ben que c'est pas avec ça que m'en faire une scène. Oh non, ça me croque. Ma vieille que je l'ai prônée. C'était Fidel Fiasco avec le morceau Rengaine, issu de leur album tout simplement intitulé, que je retrouve le nom, voilà, Banal et Paétique. Et juste avant, c'était Le Taureau de Rudy Kaya, alors que notre ami Camarade B, qui était en train d'essayer de me déstabiliser, réclame le micro. Vous l'entendez, il fait croix. Je sais pas pourquoi il se prend là, peut-être une grenouille. Micro 3, tu sais, il y a 2, il y a 4, il y a 3. D'ailleurs, il hurle dedans, là, on va le baisser un petit peu, là. Vas-y, parle, tu vas être un petit peu mieux, comme ça, là. Oui, allô, bonjour. On t'entendrait plus, ce sera encore mieux, mais bon, on va quand même pas non plus J'espère que ton micro est assez fort, là, ce soir. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que t'avais à dire? Bah, rien. Ouais, voilà. Son message intérêt... d'inintérêt, en fait, plutôt est passé. Moi, je vais vous dire, en tout cas, ce qu'on va s'écouter encore dans les bonnets rouges d'ici la pause, j'allais dire, d'ici presque la mi-temps. La pause café. C'est ça, ça va être à Les Clébards avec un morceau intitulé Comme une odeur, issu de leur album Le Genre Humain. Comme une très odeur bon album. Qui passe dans le fleuve Saint-Laurent. C'est ça, presque. Et aussi usé par ton travail. Alors je sais pas si c'est les étrons qui sont sortis de ton cul. Oh, ça mais, sera pas beau. C'est usé par ton travail. Et c'était c'est un morceau de Kroska. C'est un morceau de Kroska qui va bientôt sortir un nouvel album. Mais en tout cas, ce morceau est issu de leur album Punk Ska Même Combat. Et je suis curieux et j'ai hâte d'entendre leur prochain album qui est sorti. Plutôt qui va sortir chez Russi Knife, comme tu nous le précises. Ouais, très bientôt. Et question de mettre de la pression encore plus sur Fabien. C'est ça, mais bon, allez, on va lui couper les moyens de pression et puis on va s'écouter de la musique pour détendre l'atmosphère. Allez, les clébards. We'll be right back. de Manon, il aime des enfants. Tant qu'il n'a pas suivi, il veut celle de tes petits. La la la, hey hey hey, no. Dans la soie, quand ils tous sont percés, quand ils sont pas très frères, et ainsi à travers la misère des prolétaires, c'est tout si ça le bourgeois, rien pour rire, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. La la la, hey hey hey, la la la, la hey hey hey. We'll be right back. C'était Pretty Vacant des Sex Pistols, morceau que l'on dédicace à notre ami Bobby Blouin qui nous écoute. D'ailleurs, je crois qu'il va saluer notre ami camarade. Quoi? Bobby Blouin, veut que tu le salues d'ailleurs. Hey, salut, bon oui, j'espère que tu vas bien. Certain qu'il va bien, surtout avec la bonne musique qu'on passe ce soir. Hein. Bon, yes. Je me jette des fleurs, j'aime faire ça, allez. Bon, encore de la musique dans les bonnets rouges? Ouais, encore une demi-heure de musique dans les bonnets rouges. Qu'est-ce qu'il va jouer là, pour Bobby encore? Là. Et on va continuer avec The Vibrators, le morceau Rock the Kids, issu de leur album Energize. Ce sera suivi des Supergrass d'Angelic Upstars, morceau issu de leur album Son of Spartacus. Oh. Et on finira ce bloc avec le morceau Drive des Off With Their Heads. Oh. Vas-y, refais-moi un ho et on lance la musique juste derrière. Encore un? Ah! The Vibrators! Disasters on a roll. Children are dying all over the world, and a nasty disease took away my girl. The president says he knows best. Yeah, let's have another nuclear test. Chemical weapons in Iraq. Yeah, let's plunge the world into the dark. Hey, hey, never mind that shit. Everybody wants you to rock the kids. Record company needs more hits. Everybody wants you to rock the kids. Under a tropical sun, the AIDS final countdown has begun. War and disease are doing the rounds, and ethnic cleansing will be common at town. Where the patterns are going crazy, there's insane stuff all over my TV. While the environment goes to hell, you just wanna ring your bell. Hey, hey, never mind that shit. Everybody wants you to rock the kids. Record company needs more hits. Everybody wants you to rock the kids. Rock the kids, rock the kids. Everyone seems to say this is the world today, and all the kids just want you to rock away their blues. I'm rich and I'm alright, and beggars on the street wish me good night. Global warming's all a rage, but nature could turn another page. Earthquakes and asteroids are trying to get me on a tidal wave from the poison sea. Hey, hey, never mind that shit. Everybody wants you to rock the kids. Record company needs more hits. Everybody wants you to rock the kids. Play some more heavy guitar licks. Everybody wants you to rock the kids. Never mind, this world is falling a bit. Everybody wants you to rock the kids. Rock the kids, rock the kids, rock the kids, yeah. For you tonight, it doesn't matter what you feel like. once more. Does it make you wonder? Will it make you cry? Look into your masters, it's you that's in the sights. Turn, tell it like it is when they tell you. Tell it, it is you who feels a fool. Tell it like it is when they tell you. Tell it, won't you tell they change the rules. S'écouter Off With The Heads avec le morceau Drive issu de leur album intitulé In Desolation. Juste avant, c'était Supergrass des Angelic Upstars et Rock The Kid des Vibrators. Yeah, The Vibrators. C'était pour Martin, ça, hein? Eh oui, comme ouais. Les Sex Pistols, d'ailleurs. Oh, les Sex Pistols avec. Enfin, cela n'est rien, continuons. Est-ce que tu veux qu'on dédicace les prochains morceaux, Bobby? Je pense que tu le veux bien. On va s'écouter Total Chaos et Anti-Flag avec le morceau Dancing on Your Grave des Total Chaos. Morceau issu de l'album Avoid All Sides. Ouais, c'est et ce ça, sera exactement. Suivi de The Gosh of Alexandria des Anti-Flag. Ouais. Morceau issu cette fois-ci de l'album The General Strike. Oui, c'est ça. Dès maintenant. Dans les bonnets rouges. Ouais. Alors que notre ami camarade B n'a aucune idée de ce que je fais, mais a bien approuvé. C'est bien, continue d'approuver, c'est parfait. Dancing on your grave, yeah. We'll be right back. daddy's curse that when things go from bad to worse and we fall upon harder times, there's no choice but to draw the line with families to be fed or a roof to put over your head. It's only a matter of time till we leave all this behind. Immigration's on the rise, there's more and more sacrifice, but you do what you've got to do. Until we say your position true, we're going back down to the door queue. That's where we'll be going until we fix them for good fortune. That's where we'll get told. No job, no money to go for the queue. No prospects for the youth. C'était Section 4 avec le morceau Sick and Tired issu de leur album In No Fit State. Et juste avant, c'était Anti-Flag et Total Chaos. Et on va terminer notre émission avec des bonnets rouges, avec deux morceaux issus du dernier album de DOA. Très bon album intitulé Hardline Firing avec le morceau The Cops Shot a kid and not gotta take your crap no more. Alors que l'on a notre ami Camarade B qui fait des élucubrations depuis tout à l'heure. Rien à dire. Voilà. C'est parfait. Comme il n'a rien à dire, les bonnets rouges, ça se retrouve la semaine prochaine, toujours même heure, même endroit, 22h, 23h, sur C'est Fou, 89.fm en Mauricie et c'estfou.ca. Et DOA, là, leur album, il est quand même bon, là. Hardline Firing. Puis je sais pas pourquoi, c'est ce que j'avais dans la voiture ce matin. C'était adapté avec le temps qu'il faisait. Allez. The cops shot a kid and not gonna take your crap no more. souls for supervisor. They're moving away to the church of dictator. A couple of times while I was late, by my house to come and see. Call me a lazy ingrate, but he better listen up, cause I'm not gonna take the job no more. Gonna have to even the score. You better just look on that door, cause I'm not gonna take a drive no more. House out in the street with nowhere to go. I drive McDonald's, Starbucks and Lowe's. They got no dough, man, that really blows. Went to welfare, that was a must. Benefits, checks, and